Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui ma sista de Toulouse, Assia Ferracci. Hey, salut Sofiane. Salut Assia, comment tu vas? Ça va, merci, beaucoup mieux hein, j'ai envie de dire. Ah oui, ah, en effet. Moi j'ai une belle galère à te raconter, c'est-à-dire que ben, je vais jouer mon spectacle en février, juste avant le confinement. Oui. Et figure-toi que dans mon public, il y avait un chat noir, j'ai eu le corona. Ah, d'accord. J'ai eu le Covid, voilà. Attends, voilà. Tu m'excuses, je vais me reculer un peu. T'inquiète, j'ai le masque. Ouais. Donc oui, donc c'est-à-dire dans le public, t'as eu quelqu'un qui était positif. Mais complètement, je suis tombée malade après ma première et toute première scène, premier one man show, premier one man d'une heure et quart, gros show, 150 D'accord. personnes. Évidemment, il y avait un chat noir dans le lot. Et oui. Ben voilà, du coup j'ai été. Comme dirait mon frérot Maxime Sandré qu'on a déjà entendu dans le podcast, il y avait une ambiance de malade. Ah mais de fou, complètement. C'est sa vanne celle-là. C'est le cas de le dire. C'est Maxime Sandré, elle est excellente cette vanne. Dédicace à Maxime, effectivement, ah oui. C'était le cas. C'est le cas de le dire, puisque bah, du coup, 4 semaines d'immobilité, j'ai envie de te dire. Oh. Mais bon, grâce à Dieu, je suis là aujourd'hui. Là, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc maintenant, du coup, tu es guérie et tu n'es surtout plus contagieuse. Complètement. Complètement. Normalement, je suis plus contagieuse, mais j'ai envie de te dire. Tu sais, le normalement, il m'inquiète là. Non, donc oui, donc en gros, enfin, je veux dire, t'as galéré vraiment, mais t'as pas été jusqu'en réanimation, machin. T'as non, juste été malade, très malade, quoi. Ouais, j'irai pas jusqu'à raconter ma vie, mais j'ai été très, très malade. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, dans un élan de positivité, on est là, on organise des plateaux, on est toujours là, voilà. Yes, bien sûr. Et je suis très, très ravie de pouvoir aujourd'hui raconter cette anecdote avec un petit peu d'autodérision, mais je suis ouais, très, c'était très. C'était un moment dur, mais je pense que c'est pareil dans la vie d'un stand-upper, toujours quand il t'arrive une galère, t'es dégoûté sur le moment, mais après, au bout d'un certain temps, tu le digères et tu peux le ressortir même sous forme de sketch ou quoi, ou le raconter comme ça pour délirer dans un podcast. On arrive à recycler en fait nos galères au final. C'est exactement donc, ça. Voilà, et c'est bien, c'est bien. Là, bah, on était sur cette scène que t'as organisée au Double à Toulouse. Merci vraiment d'avoir été là ce soir. Merci à toi pour ton invitation, c'était super cool, puis le public était super chaud. Donc vraiment, ça fait plaisir. Tu avais une ou d'autres anecdotes. Franchement, je préfère les raconter sur scène, donc je vous invite à tous de venir nous retrouver sur scène, de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Moi, là, mon Instagram et mon Facebook, c'est Assia Ferracci. Et puis je raconte tout ça sur scène aussi parce que j'ai mon spectacle et mon one man que j'ai alimenté justement suite à cet épisode. Voilà, merci à toi d'avoir été là ce soir, merci à toi pour cette interview. C'était super, c'était un plaisir de recueillir ton anecdote. Je te remercie Sofiane, merci et au plaisir de te retrouver vraiment parce que t'es une machine. Je vous demande je vous demande vraiment à tous de suivre Sofiane et Taille sur les beaucoup. Réseaux sociaux. Et ben je te retourne le compliment parce que vraiment ce soir tu m'as bluffé par ton impro et vraiment c'était super cool. Merci. J'ai hâte de voir ton spectacle entier vraiment. Et j'invite tout le monde à aller te découvrir donc sur les réseaux sociaux. Donc tu nous as dit Facebook et Instagram, ouais, Assia Ferracci. Complètement, Assia Ferracci, mon pseudo c'est Plumette, référence à mon poids plume. Voilà. D'accord, je te cache pas que j'ai pas le même. Moi j'ai pas le. Mais pourtant, c'est pas le même surnom que j'ai. Pourtant, j'étais persuadée que t'étais poids plume dans ta catégorie. Mais... Ouais, c'est les écouteurs que je porte là qui font ça, tu sais, c'est. Ça affine tout de suite. Ok, bah écoute, pour ma part, merci beaucoup déjà. Merci à toi, Soso. D'avoir accepté T'es un l'invitation. Amour, change avec rien. Grand plaisir. Change toi non plus, ne change rien. Et j'espère qu'on va encore passer des grands kiffs à Toulouse devant le public toulousain qui est vraiment un des publics les plus chauds que je connaisse. Merci. Suivez-nous et venez en avec nombre. Venez en nombre. Avec grand plaisir. Et merci Macron. Ah ouais. Bon, pour ma part, les amis, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Donc Sofiane et Taï, E2TAI. Macron d'émission. Sofiane et Taï sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Pas à l'Elysée, non, pas encore. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.